terrain à l'aise comme Hezbollah. Je vis dans mon ombre comme un extolar. Peu bavard, j'anime les soirées avec ou sans le bafa. Tu le sais, la routine ça fout le cafard. Ceux qui jacquent, je laisse faire, ouais. C'est leur tour, mais c'est fini quand je prends le mic, hey. Parce que l'heure tourne, mon son te donne un mal de crâne. Tu finis chez le toupib, gros. Surveille ta meuf, elle tourne comme une toupie, trop. De boycotteurs qui font tout pour t'isoler. Si je m'adresse à eux et que je les agresse, je suis pas désolé. Rien dans les couilles, sur l'art des bouteilles, votre casse, casse. Mon rap est traite comme un mélange, votre casse. Casse pas les couilles, je fais mon taf, je tiens de la casse. Ton rap est un Formule 1, le mien est un palace. J'ai le flow, j'y mets le style et la manière, je débarque tout ça terre, laissez passer le maître en la matière. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse bas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse bas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales. Mon franc parler peut enchaîner plus d'un. Petit frère casse des voitures pendant petite sœur devient une putain. Triste époque, je porte mon rap sur l'épaule. Des boules sur le but tellement que je me fais chier à l'école. Je kick ça, vise ça, mitraille la crotte. Je pousse ton rap au suicide, prends cette face comme la corde. Je prends le temps de te dire que personne me fera flancher. Je terminerai très haut en laissant les critiques sur le plancher. Sponsorisé par but tellement que je fais saigner les pages. Mes écrits d'école me font monter d'un étage. J'ai trop de phases qui te braquent, te font l'effet d'un plaquage. Tu sens faible comme un kid. J'ai de course et pour braquage. À l'heure où je te parle, j'accrois mon avance. Pas de chance, mon flow, ça prend pas comme un pas de danse. Pourquoi ça parle, surtout pour rien dire. Mon phrase est dégainée, pour un rien dire. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse pas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse pas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales. Artiste, même si j'ai pas fait les beaux-arts, je m'inspire de ce que tu dis de ma vie, pas celle de Mozart. Fidèle au poste, toujours un pic entre les doigts en guise d'art. Je crache des rimes, pleure du sang sur mes joues, tu verras pas d'armes. Forgé avec le temps, c'est le top que je garde en vue. Je viole les prendre, rien que pour ça, je pourrais finir en garde à vue. M'endors au lever du soleil, il me réveille à son coucher. J'ai fait un gosse à la galère, elle va bientôt accoucher. La fête des paillettes, frère, j'y succombe pas. Danse ma ton car et je suis paré pour le combat. J'fais mon bout de chemin tranquillement sans emmerder quiconque. Mais le seul qui pourra me faire fermer ma gueule, c'est King Kong. Je me présente, idyllique l'homme qui pense des 16 plus que personne. J'ai l'impression d'être dans la rime et ça depuis le berceau. Ce soir je suis à l'affiche et ça personne me l'enlèvera. C'est dominant sur dominé, je me pose sur le rap en levant les bras. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse pas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales. Ce soir je suis à l'affiche, balance et danse pas. Écoute, regarde, mais ne touche pas, t'étouffe pas, t'étonne pas. Si je dégaine comme ça, demande pas pourquoi je rappe sur des instrus sales.